Section 18. Troisième partie, livre cinquième. Les 100 jours à Paris. Effet du passage de la légitimité en France. Étonnement de Bonaparte. Il est obligé de capituler avec des idées qu'il avait cru étouffer. Son nouveau système. Trois énormes joueurs restés. Chimère des libéraux. Clubs et fédérés. Escamotage de la République. L'acte additionnel. Chambre des représentants convoquée. Inutile chant de mai. Soucis et amertume de Bonaparte. Résolution à Vienne. Mouvement à Paris. Ce que nous faisions à Gand. Monsieur de Blacas. Bataille de Waterloo. Confusion à Gand. Quelle fut la bataille de Waterloo? Retour de l'empereur. Réapparition de Lafayette. Nouvelle abdication de Bonaparte. Scènes orageuses à la Chambre des Pairs. Présage menaçant pour la seconde restauration. Départ de Gand. Arrivée à Mons. Je manque ma première occasion de fortune dans ma carrière politique. Monsieur de Talleyrand à Mons. Scène avec le roi. Je m'intéresse bêtement à Monsieur de Talleyrand. De Mons à Gonesse. Je m'oppose à Monsieur le comte Beugnot à la nomination de Fouché comme ministre. Mes raisons. Le duc de Wellington l'emporte. Arnouville, Saint-Denis, dernière conversation avec le roi. Je vous fais voir l'envers des événements que l'histoire ne montre pas. L'histoire n'étale que l'endroit. Les mémoires ont l'avantage de présenter l'un et l'autre côté du tissu. Sous ce rapport, ils peignent mieux l'humanité complète en exposant, comme les tragédies de Shakespeare, les scènes basses et hautes. Il y a partout une chaumière auprès d'un palais, un homme qui pleure, auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier qui porte sa hotte auprès d'un roi qui perd son trône. Que faisait à l'esclave présente à la bataille d'Arbel la chute de Darius? Gand n'était donc qu'un vestiaire derrière les coulisses du spectacle ouvert à Paris. Des personnages renommés restaient encore en Europe. J'avais en 1800 commencé ma carrière avec Alexandre et Napoléon. Pourquoi n'avais-je pas suivi ces premiers acteurs, mes contemporains, sur le grand théâtre? Pourquoi seul, à Gand? Parce que le ciel vous jette où il veut. Des petits 100 jours à Gand, passons aux grands 100 jours à Paris. Je vous ai dit les raisons qui auraient dû arrêter Bonaparte à l'île d'Elbe, et les raisons primantes, ou plutôt la nécessité tirée de sa nature, qui le contraignirent de sortir de l'exil. Mais la marche de Cannes à Paris épuisa ce qui lui restait du vieil homme. À Paris, le talisman fut brisé. Le peu d'instants que la légalité avait reparu avait suffi pour rendre impossible le rétablissement de l'arbitraire. Le despotisme muselle les masses et affranchit les individus dans une certaine limite. L'anarchie déchaîne les masses et asservit les indépendances individuelles. De là, le despotisme ressemble à la liberté quand il succède à l'anarchie. Il reste ce qu'il est véritablement quand il remplace la liberté. Libérateur après la constitution directoriale, Bonaparte était oppresseur après la charte. Il le sentait si bien qu'il se crut obligé d'aller plus loin que Louis XVIII et de retourner aux sources de la souveraineté nationale. Lui, qui avait foulé le peuple en maître, fut réduit à se refaire tribun du peuple, à courtiser la faveur des faubourgs, à parodier l'enfance révolutionnaire, à bégayer un vieux langage de liberté qui faisait grimacer ses lèvres et dont chaque syllabe mettait en colère son épée. Sa destinée comme puissance était en effet si bien accomplie qu'on ne reconnut plus le génie de Napoléon pendant les 100 jours. Ce génie était celui du succès et de l'ordre, non celui de la défaite et de la liberté. Or, il ne pouvait rien par la victoire qu'il avait trahie, rien pour l'ordre, puisqu'il existait sans lui. Dans son étonnement, il disait « Comme les Bourbons m'ont arrangé la France en quelques mois, il me faudra des années pour la refaire. » Ce n'était pas l'œuvre de la légitimité que le conquérant voyait, c'était l'œuvre de la charte. Il avait laissé la France muette et prosternée, il la trouvait debout et parlante. Dans la naïveté de son esprit absolu, il prenait la liberté pour le désordre. Et pourtant Bonaparte est obligé de capituler avec les idées qu'il ne peut vaincre de prime abord. À défaut de popularité réelle, des ouvriers payés à 40 sous par tête viennent, à la fin de leur journée, brailler au carrousel « Vive l'empereur !» Cela s'appelait « aller à la criée ». Des proclamations annoncent d'abord une merveille d'oubli et de pardon. les individus sont déclarés libres, la nation libre, la presse libre. On ne veut que la paix, l'indépendance et le bonheur du peuple. Tout le système impérial est changé. L'âge d'or va renaître. Afin de rendre la pratique conforme à la théorie, on partage la France en 7 grandes divisions de police. Les 7 lieutenants sont investis des mêmes pouvoirs qu'avaient sous le Consulat et l'Empire les directeurs généraux. On sait ce que furent à Lyon, à Bordeaux, à Milan, à Florence, à Lisbonne, à Hambourg, à Amsterdam, ces protecteurs de la liberté individuelle. Au-dessus de ces lieutenants, Bonaparte élève, dans une hiérarchie de plus en plus favorable à la liberté, des commissaires extraordinaires, à la manière des représentants du peuple sous la Convention. La police que dirige Fouché apprend au monde, par des proclamations solennelles, qu'elle ne va plus servir qu'à répandre la philosophie, qu'elle n'agira plus que d'après des principes de vertu. Bonaparte rétablit par un décret la garde nationale du royaume, dont le nom seul lui donnait jadis des vertiges. Il se voit forcé d'annuler le divorce prononcé sous l'Empire entre le despotisme et la démagogie, et de favoriser leur nouvelle alliance. De cet hymen doit naître au Champ de Mai une liberté, le bonnet rouge et le turban sur la tête, le sabre du mamelouk à la ceinture et la hache révolutionnaire à la main, liberté entourée des ombres de ces milliers de victimes sacrifiées sur les échafauds ou dans les campagnes brûlantes de l'Espagne et les déserts glacés de la Russie. Avant le succès, les mamelouks sont jacobins. Après le succès, les jacobins deviendront mamelouks. Sparte est pour l'instant du danger, Constantinople pour celui du triomphe. Bonaparte aurait bien voulu ressaisir à lui seul l'autorité, mais cela ne lui était pas possible. Il trouvait des hommes disposés à la lui disputer. D'abord les républicains de bonne foi, délivrés des chaînes du despotisme et des lois de la monarchie, désiraient garder une indépendance qui ne peut être qu'une noble erreur. Ensuite, les furieux de l'ancienne faction de la Montagne. Ces derniers, humiliés de n'avoir été sous l'Empire que les espions de police d'un despote, semblaient résolus à reprendre pour leur propre compte cette liberté de tout faire, dont ils avaient cédé pendant 15 années le privilège à un maître. Mais ni les républicains, ni les révolutionnaires, ni les satellites de Bonaparte n'étaient assez forts pour rétablir leur puissance séparée ou pour se subjuguer mutuellement. Menacés au dehors d'une invasion, poursuivis au-dedans par l'opinion publique, ils comprirent que s'ils se divisaient, ils étaient perdus. Afin d'échapper au danger, ils ajournèrent leurs querelles. Les uns apportaient à la défense commune leurs systèmes et leurs chimères, les autres leurs terreurs et leurs perversités. Nul n'était de bonne foi dans ce pacte. Chacun, la crise passée, se promettait de le tourner à son profit. Tous cherchaient d'avance à s'assurer les résultats de la victoire. Dans cet effrayant 31, 3 énormes joueurs tenaient la banque tour à tour. La liberté, l'anarchie, le despotisme, tous 3 trichant et s'efforçant de gagner une partie perdue pour tous. Plein de cette pensée, il ne sévissait point contre quelques enfants perdus qui pressaient les mesures révolutionnaires. Des fédérés s'étaient formés dans les faubourgs et des fédérations s'organisaient sous de rigoureux serments dans la Bretagne, l'Anjou, le Lyonnais et la Bourgogne. On entendait chanter la Marseillaise et la Carmagnole. Un club établi à Paris correspondait avec d'autres clubs dans les provinces. On annonçait la résurrection du journal des Patriotes. Mais de ce côté-là, quelle confiance pouvait inspirer les ressuscités de 1793 ? Ne savait-on pas comment ils expliquaient la liberté, l'égalité, les droits de l'homme ? Étaient-ils plus moraux, plus sages, plus sincères, après qu'avant leurs énormités ? Est-ce parce qu'ils s'étaient souillés de tous les vices qu'ils étaient devenus capables de toutes les vertus? On n'abdique pas le crime aussi facilement qu'une couronne. Le front que ceignit l'affreux bandeau en conserve des marques ineffaçables. L'idée de faire descendre un ambitieux de génie du rang d'empereur à la condition de généralissime ou de président de la République était une chimère. Le bonnet rouge, dont on chargeait la tête de ses bustes pendant les 100 jours, n'aurait annoncé à Bonaparte que la reprise du diadème, s'il s'était donné à ces athlètes qui parcourent le monde de fournir 2 fois la même carrière. Toutefois, des libéraux de choix se promettaient la victoire. Des hommes fourvoyés comme Benjamin Constant, des niais comme M. Simon de Sismondi, parlaient de placer le prince de Canino au ministère de l'Intérieur, note Lucien Bonaparte, fin de note. le lieutenant-général comte Carnot au ministère de la guerre, le comte Merlin à celui de la justice. En apparence abattu, Bonaparte ne s'opposait point à des mouvements démocratiques qui, en dernier résultat, fournissaient des conscrits à son armée. Il se laissait attaquer dans des pamphlets. Des caricatures lui répétaient « Île d'Elbe », comme les perroquets criaient à Louis XI « Péronne ». On prêchait à l'échappée de prison en le tutoyant la liberté et l'égalité. Il écoutait ses remontrances d'un air de componction. Tout à coup, rompant les liens dont on avait prétendu l'envelopper, il proclame de sa propre autorité non une constitution plébéienne, mais une constitution aristocratique, un acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Note. L'acte additionnel fut publié dans le Moniteur du 23 avril 1815. Le même jour paraissait un décret portant que les Français étaient appelés à consigner leur vote sur des registres ouverts dans toutes les communes et que le dépouillement aurait lieu à l'Assemblée du Champ de Mai convoquée à Paris pour le 26 mai. Fin de note. La République rêvée se change par cet adroit escamotage dans le vieux gouvernement impérial rajeuni de féodalité. L'acte additionnel enlève à Bonaparte le parti républicain et fait des mécontents dans presque tous les autres partis. La licence règne à Paris, l'anarchie dans les provinces. Les autorités civiles et militaires se combattent. Ici, on menace de brûler les châteaux et d'égorger les prêtres. Là, on arbore le drapeau blanc et on crie « Vive le roi !» Attaqué, Bonaparte recule. Il retire à ses commissaires extraordinaires la nomination des maires des communes et rend cette nomination au peuple. Effrayé de la multiplicité des votes négatifs contre l'acte additionnel, il abandonne sa dictature de fait et convoque la Chambre des représentants en vertu de cet acte qui n'est point encore accepté. Errant d'écueil en écueil, à peine délivré d'un danger, il heurte contre un autre. Souverain d'un jour, comment instituer une pairie héréditaire que l'esprit d'égalité repousse? Comment gouverner les deux chambres? Montreront-elles une obéissance passive? Quels seront les rapports de ces chambres avec l'assemblée projetée du Champ de Mai, laquelle n'a plus de véritable but, puisque l'acte additionnel est mis à exécution avant que les suffrages eussent été comptés? Cette assemblée, composée de 30 000 électeurs, ne se croira-t-elle pas la représentation nationale? Ce Champ de Mai, si pompeusement annoncé et célébré le 1er juin, se résout en un simple défilé de troupes et une distribution de drapeaux devant un autel méprisé. Napoléon, entouré de ses frères, des dignitaires de l'État, des maréchaux, des corps civils et judiciaires, proclame la souveraineté du peuple à laquelle il ne croyait pas. Les citoyens s'étaient imaginé qu'ils fabriqueraient eux-mêmes une constitution dans ce jour solennel. Les paisibles bourgeois s'attendaient qu'on y déclarerait l'abdication de Napoléon en faveur de son fils, abdication manigancée à balles entre les agents de Fouché et du prince de Metternich. Il n'y eut rien qu'une ridicule attrape politique. L'acte additionnel se présentait au reste comme un hommage à la légitimité. À quelque différence près, et surtout moins l'abolition de la confiscation, c'était la charte. Ces changements subis, cette confusion de toutes choses, annonçaient l'agonie du despotisme. Toutefois, l'empereur ne peut recevoir du dedans l'atteinte mortelle, car le pouvoir qui le combat est aussi exténué que lui. Le titan révolutionnaire que Napoléon avait jadis terrassé n'a point recouvré son énergie native. Les deux géants se portent maintenant d'inutiles coups, ce n'est plus que la lutte de deux ombres. À ces impossibilités générales se joignent pour Bonaparte des tribulations domestiques et des soucis de palais. Il annonçait à la France le retour de l'impératrice et du roi de Rome, et l'une et l'autre ne revenaient point. Il disait à propos de la reine de Hollande, devenue par Louis XVIII duchesse de Saint-Leu, « Quand on a accepté les prospérités d'une famille, il faut en embrasser les adversités. » Joseph, accouru de la Suisse, ne lui demandait que de l'argent. Lucien l'inquiétait par ses liaisons libérales. Murat, d'abord conjuré contre son beau-frère, s'était trop hâté, en revenant à lui, d'attaquer les Autrichiens. Dépouillé du royaume de Naples et fugitif de mauvais augure, il attendait aux arrêts, près de Marseille, la catastrophe que je vous raconterai plus tard. Note. En débarquant à Cannes, Murat s'était mis à la disposition de l'empereur. Celui-ci, craignant la contagion du malheur, ne répondit pas au roi détrôné et lui fit interdire par Fouché l'accès de Paris. Fin de note. Et puis l'empereur pouvait-il se fier à ses anciens partisans et ses prétendus amis? Ne l'avait-il pas indignement abandonné au moment de sa chute? Ce Sénat qui rampait à ses pieds, maintenant blotti dans la pairie, n'avait-il pas décrété la déchéance de son bienfaiteur? Pouvait-il les croire, ces hommes, lorsqu'ils venaient lui dire « L'intérêt de la France est inséparable du vôtre? Si la fortune trompait vos efforts, des revers, sire, n'affaibliraient pas notre persévérance et redoubleraient notre attachement pour vous. Votre persévérance, votre attachement redoublé par l'infortune. Vous disiez ceci le 11 juin 1815. Qu'aviez-vous dit le 2 avril 1814? Que direz-vous quelques semaines après, le 19 juillet 1815? Le ministre de la police impériale, ainsi que vous l'avez vu, correspondait avec Gand, Vienne et Bâle. Les maréchaux, auxquels Bonaparte était contraint de donner le commandement de ses soldats, avaient naguère prêté serment à Louis XVIII. Ils avaient fait contre lui, Bonaparte, les proclamations les plus violentes. Depuis ce moment, il est vrai, ils avaient réépousé leur sultan. Mais s'il eût été arrêté à Grenoble, qu'en aurait-il fait? Suffit-il de rompre un serment pour rendre à un autre serment violé toute sa force? 2 parjures équivalent-ils à la fidélité? Encore quelques jours, et ces jureurs du champ de mai rapporteront leur dévouement à Louis XVIII dans les salons des Tuileries. Ils s'approcheront de la sainte table du Dieu de paix pour se faire nommer ministre au banquet de la guerre. Héros d'armes et brandisseurs des insignes royaux au sacre de Bonaparte, ils rempliront les mêmes fonctions au sacre de Charles X. Puis, commissaires d'un autre pouvoir, ils mèneront ce roi prisonnier à Cherbourg, trouvant à peine un petit coin libre dans leur conscience pour y accrocher la plaque de leur nouveau serment. Il est dur de naître aux époques d'improbité. Dans ces jours où deux hommes causant ensemble s'étudient à retrancher des mots de la langue, de peur de s'offenser et de se faire rougir mutuellement. Ceux qui n'avaient pu s'attacher à Napoléon par sa gloire, qui n'avaient pu tenir par la reconnaissance au bienfaiteur duquel ils avaient reçu leurs richesses, leurs honneurs et jusqu'à leur nom, s'immoleraient-ils maintenant à ces indigentes espérances? S'enchaîneraient-ils à une fortune précaire et recommençante? Les ingrats que ne fixa point une fortune consolidée par des succès inouïs et par une possession de 16 années de victoire? Tant de chrysalides qui, entre 2 printemps, avaient dépouillé et revêtu, quitté et repris la peau du légitimiste et du révolutionnaire, du napoléonien et du bourboniste, tant de paroles données et faussées, tant de croix passées de la poitrine du chevalier à la queue du cheval et de la queue du cheval à la poitrine du chevalier. Tant de preux changeant de bandière et semant la lys de leurs gages de foi menti, tant de nobles dames, tour à tour suivantes de Marie-Louise et de Marie-Caroline, ne devaient laisser au fond de l'âme de Napoléon que défiance, horreur et mépris. Ce grand homme vieilli était seul au milieu de tous ses traîtres, hommes et sorts, sur une terre chancelante, sous un ciel ennemi, en face de sa destinée accomplie et du jugement de Dieu. Napoléon n'avait trouvé de fidèles que les fantômes de sa gloire passée. Ils l'escortèrent, ainsi que je vous l'ai dit, du lieu de son débarquement jusqu'à la capitale de la France. Mais les aigles, qui avaient volé de clocher en clocher et de canne à Paris, s'abattirent fatigués sur les cheminées des Tuileries, sans pouvoir aller plus loin. Napoléon ne se précipite point avec les populations émues sur la Belgique avant qu'une armée anglo-prussienne s'y fût rassemblée. Il s'arrête, il essaye de négocier avec l'Europe et de maintenir humblement les traités de la légitimité. Le congrès de Vienne oppose à M. le duc de Vicence l'abdication du 11 avril 1814. Par cette abdication, Bonaparte reconnaissait qu'il était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, et en conséquence renonçait pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie. Or, puisqu'il vient rétablir son pouvoir, il viole manifestement le traité de Paris et se replace dans la situation politique antérieure au 31 mars 1814. Donc c'est lui, Bonaparte, qui déclare la guerre à l'Europe, et non l'Europe à Bonaparte. Ces arguties logiques de procureur diplomate, comme je l'ai fait remarquer à propos de la lettre de M. de Talleyrand, valaient ce qu'elles pouvaient avant le combat. La nouvelle du débarquement de Bonaparte à Cannes était arrivée à Vienne le 6 mars. au milieu d'une fête où l'on représentait l'assemblée des divinités de l'Olympe et du Parnasse. Alexandre venait de recevoir le projet d'alliance entre la France, l'Autriche et l'Angleterre. Il hésita un moment entre les deux nouvelles. Puis il dit « Il ne s'agit pas de moi, mais du salut du monde ». Et une estafette porte à Saint-Pétersbourg l'ordre de faire partir la garde. Les armées qui se retiraient s'arrêtent, leur longue file fait volte-face, et 800 000 ennemis tournent le visage vers la France. Bonaparte se prépare à la guerre. Il est attendu à de nouveaux champs cataloniques. Dieu l'a ajourné à la bataille qui doit mettre fin au règne des batailles. Il avait suffi de la chaleur des ailes de la renommée de Marengo et d'Austerlitz pour faire éclore des armées dans cette France qui n'est plus qu'un grand nid de soldats. Bonaparte avait rendu à ses légions leur surnom d'invincibles, de terribles, d'incomparables. Cette armée reprenait le titre d'armée des Pyrénées, des Alpes, du Jura, de la Moselle, du Rhin. Grand souvenir qui servait de cadre à des troupes supposées, à des triomphes en espérance. Une armée véritable était réunie à Paris et à Laon. 150 batteries attelées, 10 000 soldats d'élite entrés dans la garde, 18 000 marins illustrés à Lützen et à Bautzen, 30 000 vétérans, officiers et sous-officiers, en garnison dans les places fortes, 7 départements du Nord et de l'Est prêts à se lever en masse, 180 000 hommes de la garde nationale rendus mobiles, des corps francs dans la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Des fédérés offrant leurs piques et leurs bras, Paris fabriquant par jour 3 000 fusils, telles étaient les ressources de l'empereur. Peut-être aurait-il encore une fois bouleversé le monde s'il avait pu se résoudre, en affranchissant la patrie, à appeler les nations étrangères à l'indépendance. Le moment était propice. Les rois qui promirent à leurs sujets des gouvernements constitutionnels venaient de manquer honteusement à leurs paroles. Mais la liberté était antipathique à Napoléon depuis qu'il avait bu à la coupe du pouvoir. Il aimait mieux être vaincu avec des soldats que de vaincre avec des peuples. Les corps qu'il poussa successivement vers les Pays-Bas se montaient à 70 000 hommes. Nous autres émigrés, nous étions dans la ville de Charles Quint comme les femmes de cette ville. Assises derrière leurs fenêtres, elles voient, dans un petit miroir incliné, les soldats passer dans la rue. Louis XVIII était là, dans un coin complètement oublié. À peine recevait-il de temps en temps un billet du prince de Talleyrand revenant de Vienne, quelques lignes des membres du corps diplomatique résidant auprès du duc de Wellington en qualité de commissaire, messieurs Pozzo di Borgo, de Vincent, etc., etc. On avait bien autre chose à faire qu'à songer à nous. Un homme étranger à la politique n'aurait jamais cru qu'un impotent caché au bord de la Lys serait rejeté sur le trône par le choc des milliers de soldats prêts à s'égorger. Soldats dont il n'était ni le roi ni le général, qui ne pensait pas à lui, qui ne reconnaissait ni son nom ni son existence. De deux points si rapprochés, Gand et Waterloo, jamais l'un ne parut si obscur, l'autre si éclatant. La légitimité gisait au dépôt comme un vieux fourgon brisé. Nous savions que les troupes de Bonaparte s'approchaient. Nous n'avions pour nous couvrir que nos deux petites compagnies sous les ordres du duc de Berry, prince dont le sang ne pouvait nous servir car il était déjà demandé ailleurs. 1 000 chevaux, détachés de l'armée française, nous auraient enlevés en quelques heures. Les fortifications de Gand étaient démolies. L'enceinte qui reste eût été d'autant plus facilement forcée que la population belge ne nous était pas favorable. La scène dont j'avais été témoin aux Tuileries se renouvela. On préparait secrètement les voitures de Sa Majesté. Les chevaux étaient commandés. Nous, fidèles ministres, nous aurions pataugé derrière, à la grâce de Dieu. Monsieur partit pour Bruxelles, chargé de surveiller de plus près les mouvements. Monsieur de Blacas était devenu soucieux et triste. Moi, pauvre homme, je le solaciais. À Vienne, on ne lui était pas favorable. Monsieur de Talleyrand s'en moquait. Les royalistes l'accusaient d'être la cause du retour de Napoléon. Ainsi, dans l'une ou l'autre chance, plus d'exil honoré pour lui en Angleterre, plus de premières places possibles en France. J'étais son unique appui. Je le rencontrais assez souvent au marché aux chevaux où il trottait seul. M'attelant à son côté, je me conformais à sa triste pensée. Cet homme que j'ai défendu à Gand et en Angleterre, que je défendis en France après les 100 jours, et jusque dans la préface de la monarchie selon la charte, Cet homme m'a toujours été contraire. Cela ne serait rien s'il n'eût été un mal pour la monarchie. Je ne me repens pas de ma niaiserie passée, mais je dois redresser dans ses mémoires les surprises faites à mon jugement ou à mon bon cœur. Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la porte de Bruxelles. J'allais seul achever ma promenade sur la grande route. J'avais emporté les commentaires de César et je cheminais lentement, plongé dans ma lecture. J'étais déjà à plus d'une lieue de la ville lorsque je crus ouïr un roulement sourd. Je m'arrêtai, regardai le ciel assez chargé de nuées, délibérant en moi-même si je continuerais d'aller en avant ou si je me rapprocherais de Gand dans la crainte d'un orage. Je prêtai l'oreille. Je n'entendis plus que le cri d'une poule d'eau dans les joncs et le son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait 30 pas que le roulement recommença, tantôt bref, tantôt long et à intervalles inégaux. Quelquefois, il n'était sensible que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre sur ses plaines immenses tant il était éloigné. Ces détonations moins vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon. Je traversai le chemin et je m'appuyai debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée. Le péril, le feu, la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer. Mais, seul, sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui passaient autour de moi, le poids des réflexions m'accablait. Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou l'autre armée, quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples? Liberté ou esclavage? Mais quel sang coulait? Chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt, dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France? S'il triomphait, notre gloire n'était-elle pas perdue? Si Napoléon l'emportait, que devenait notre liberté? Bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrît un exil éternel, la patrie l'emportait dans ce moment dans mon cœur. Mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France, s'il devait, en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination étrangère. Wellington triomphait-il? La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés. Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices? Ce n'est là qu'une bien petite partie des idées qui me tourmentaient. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. À quelques lieues d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas. Je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre croissant de minute en minute à Waterloo, comme du rivage de Boulac au bord du Nil, j'étendais vainement mes mains vers les pyramides. Aucun voyageur ne paraissait. Quelques femmes dans les champs, sarclant paisiblement des sillons de légumes, n'avaient pas l'air d'entendre le bruit que j'écoutais. Mais voici venir un courrier. Je quitte le pied de mon arbre et je me place au milieu de la chaussée. J'arrête le courrier et l'interroge. Il appartenait au duc de Berry et venait d'Alost. Bonaparte est entré hier, 17 juin, dans Bruxelles, après un combat sanglant. La bataille a dû recommencer aujourd'hui, 18 juin. On croit à la défaite définitive des Alliés et l'ordre de la retraite est donné. Le courrier continua sa route. Je le suivis en me hâtant. Je fus dépassé par la voiture d'un négociant qui fuyait en poste avec sa famille. Il me confirma le récit du courrier. Tout était dans la confusion quand je rentrai à Gand. On fermait les portes de la ville, les guichets seuls demeuraient entrebâillés, des bourgeois mal armés et quelques soldats de dépôt faisaient sentinelle. Je me rendis chez le roi. Monsieur venait d'arriver par une route détournée. il avait quitté Bruxelles sur la fausse nouvelle que Bonaparte y allait entrer, et qu'une première bataille perdue ne laissait aucune espérance du gain d'une seconde. On racontait que les Prussiens ne s'étant pas trouvés en ligne, les Anglais avaient été écrasés. Sur ces bulletins, le « sauve-qui-peut » devint général. Les possesseurs de quelques ressources partirent. Moi, qui ai la coutume de n'avoir jamais rien, j'étais toujours prêt et dispo. Je voulais faire déménager avant moi Madame de Chateaubriand, grande bonapartiste, mais qui n'aime pas les coups de canon. Elle ne me voulut pas quitter. Le soir, conseil auprès de Sa Majesté, nous entendîmes de nouveau les rapports de Monsieur et Léon Di recueillis chez le commandant de la place ou chez le baron d'Eckstein. Le fourgon des diamants de la couronne était attelé. Je n'avais pas besoin de fourgon pour emporter mon trésor. J'enfermai le mouchoir de soie noire dont j'entortis ma tête la nuit dans mon flasque portefeuille de ministre de l'Intérieur et je me mis à la disposition du prince avec ce document important des affaires de la légitimité. J'étais plus riche dans ma première émigration quand mon havresac me tenait lieu d'oreiller et servait de maillot à Atala. Mais en 1815, Atala était une grande petite fille dégingandée de 13 à 14 ans qui courait le monde toute seule et qui, pour l'honneur de son père, avait fait trop parler d'elle. Le 19 juin, à 1 heure du matin, une lettre de M. Pozzo, transmise au roi par estafette, rétablit la vérité des faits. Bonaparte n'était point entré dans Bruxelles. Il avait décidément perdu la bataille de Waterloo. Parti de Paris le 12 juin, il rejoignit son armée le 14. Le 15, il force les lignes de l'ennemi sur la Sambre. Le 16, il bat les Prussiens dans ses champs de Fleurus, où la victoire semble à jamais fidèle aux Français. Les villages de Ligny et de Saint-Amand sont emportés. Aux quatre bras, nouveau succès. Le duc de Brunswick reste parmi les morts. Blücher, en pleine retraite, se rabat sur une réserve de 30 000 hommes aux ordres du général de Bülow. Le duc de Wellington, avec les Anglais et les Hollandais, s'adosse à Bruxelles. Le 18 au matin, avant les premiers coups de canon, le duc de Wellington déclara qu'il pourrait tenir jusqu'à 3 heures, mais qu'à 7 heures, si les Prussiens ne paraissaient pas, ils seraient nécessairement écrasés. Acculé sur Planchenoit et Bruxelles, toute retraite lui était interdite. Surpris par Napoléon, sa position militaire était détestable. Il l'avait acceptée et ne l'avait pas choisie. Les Français emportèrent d'abord à l'aile gauche de l'ennemi les hauteurs qui dominent le château d'Hougoumont jusqu'aux fermes de la Haie Sainte et de Papelotte. À l'aile droite, ils attaquèrent le village de Mont-Saint-Jean, la ferme de la Haie Sainte est enlevée au centre par le prince Jérôme. Mais la réserve prussienne paraît vers Saint-Lambert à 6 heures du soir. Une nouvelle et furieuse attaque est donnée au village de la Haie Sainte. Blücher survient avec des troupes fraîches et isole du reste de nos troupes déjà rompues les carrés de la garde impériale. Autour de cette phalange immortelle, le débordement des fuyards entraîne tout parmi des flots de poussière, de fumée ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la Congrève, au milieu des rugissements de 300 pièces d'artillerie et du galop précipité de 25 000 chevaux. C'était comme le sommaire de toutes les batailles de l'Empire. 2 fois les Français ont crié « Victoire !» 2 fois leurs cris sont étouffés sous la pression des colonnes ennemies. Le feu de nos lignes s'éteint, les cartouches sont épuisées, quelques grenadiers blessés au milieu de 30 000 morts, de 100 000 boulets sanglants, refroidis et conglobés à leurs pieds, restent debout, appuyés sur leurs mousquets, baïonnettes brisées, canons sans charge. Non loin d'eux, l'homme des batailles écoutait, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie. Dans ces champs de carnage, son frère Jérôme combattait encore avec ses bataillons expirants, accablés par le nombre, mais son courage ne peut ramener la victoire. Le nombre des morts du côté des Alliés était estimé à 18 000 hommes, du côté des Français à 25 000. 1200 officiers anglais avaient péri. Presque tous les aides de camp du duc de Wellington étaient tués ou blessés. Il n'y eut pas en Angleterre une famille qui ne prît le deuil. Le prince d'Orange avait été atteint d'une balle à l'épaule, le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche, avait eu la main percée. Les Anglais furent redevables du succès aux Irlandais et à la brigade des montagnards écossais que les charges de notre cavalerie ne purent rompre. Le corps du général Grouchy, ne s'étant pas avancé, ne se trouva point à l'affaire. Les deux armées croisèrent le fer et le feu avec une bravoure et un acharnement qu'animait une inimitié nationale de 10 siècles. Lord Castlereagh, rendant compte de la bataille à la Chambre des Lords, disait « Les soldats anglais et les soldats français, après l'affaire, lavaient leurs mains sanglantes dans un même ruisseau, et d'un bord à l'autre se congratulaient mutuellement sur leur courage. » Wellington avait toujours été funeste à Bonaparte. Ou plutôt, le génie rival de la France, le génie anglais, barrait le chemin à la victoire. Aujourd'hui, les Prussiens réclament contre les Anglais l'honneur de cette affaire décisive. Mais, à la guerre, ce n'est pas l'action accomplie, c'est le nom qui fait le triomphateur. Ce n'est pas Bonaparte qui a gagné la véritable bataille d'Iéna. Les fautes des Français furent considérables. Ils se trompèrent sur des corps ennemis ou amis. Ils occupèrent trop tard la position des quatre bras. Le maréchal Grouchy, qui était chargé de contenir les Prussiens avec ses 36 000 hommes, les laissa passer sans les voir. De là des reproches que nos généraux se sont adressés. Bonaparte attaqua de front, selon sa coutume, au lieu de tourner les Anglais, et s'occupa avec la présomption du maître de couper la retraite à un ennemi qui n'était pas vaincu. Beaucoup de menteries et quelques vérités assez curieuses ont été débitées sur cette catastrophe. Le mot « la garde meurt et ne se rend pas » est une invention qu'on n'ose plus défendre. Il paraît certain qu'au commencement de l'action, Soult fit quelques observations stratégiques à l'empereur. « Parce que Wellington vous a battu, lui répondit sèchement Napoléon, vous croyez toujours que c'est un grand général. » À la fin du combat, M. de Turenne pressa Bonaparte de se retirer pour éviter de tomber entre les mains de l'ennemi. Bonaparte sortit de ses pensées comme d'un rêve, s'emporta d'abord, puis tout à coup, au milieu de sa colère, il s'élança sur son cheval et fuit. Le 19 juin, 100 coups de canon des Invalides avaient annoncé les succès de Ligny, de Charleroi, des quatre bras. On célébrait des victoires mortes la veille à Waterloo. Le premier courrier qui transmit à Paris la nouvelle de cette défaite, une des plus grandes de l'histoire par ses résultats, fut Napoléon lui-même. Il rentra dans les barrières la nuit du 21. On eût dit de ses mânes, revenant pour apprendre à ses amis qu'il n'était plus. Il descendit à l'Élysée Bourbon. Lorsqu'il arriva de l'île d'Elbe, il était descendu aux Tuileries. Ces deux asiles, instinctivement choisis, révélaient le changement de sa destinée. Fin de la section 18.